Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Nous recevrons ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Ils nous les raconteront. Nous revoici de nouveau à plonger dans nos mémoires. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Émission un peu exceptionnelle cette fois-ci puisque nous la faisons à l'occasion de l'anniversaire de votre radio. Mémoire avec aujourd'hui le professeur Isidore Daywell et Ziem. Né à Ipamou, en pleine mission catholique, il est près d'Idiofa, province de Léopoldville à l'époque, aujourd'hui province du Kwilu. Auteur d'un livre, excusez-moi de passer d'hier à aujourd'hui, intitulé « L'histoire générale du Congo, de l'héritage ancien à la République démocratique ». Le professeur Isidore Daywell est professeur émérite des universités, faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, UNIKIN, l'université UNILU de Lubumbashi, université de la Sorbonne, nous sommes à Paris en France, chercheur associé au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Il est aussi membre de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-mer. Nous sommes en Belgique. Professeur Isidore Daywell, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question va peut-être vous choquer. C'est un plaisir d'être ici. Ma première question va peut-être vous choquer. Comment passe-t-on de la mission catholique à l'histoire ? Mais ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas antinomique. Je suis arrivé à l'histoire d'abord parce que c'est un vieux rêve de la période des humanités. J'ai fait mes humanités au Collège Saint-Ignace Kignati. À Ipamou. Non, plutôt près de Massimanimba, donc près de Kikwit en fait. Ah, vous avez beaucoup bougé pour aller à l'école. J'ai bougé parce qu'à l'époque, en fait, des collèges, il n'y en avait pratiquement que 3 ou 4. Il y avait Notre-Dame, ici, dans le Bas-Congo, n'est-ce pas, en Bas-Aboma, et puis il y avait Kignati, et dans le Kwilu, et puis à Kampondé, c'est Jean Berkmans. Bon, voilà, c'est à peu près ça, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, mon père, qui avait à l'époque le statut, aujourd'hui, qui nous fait rire, le statut d'évolué, avait souhaité que j'aille étudier dans ce collège. Donc, je me suis retrouvé là. Et donc, dans ce contexte, j'aimais bien le cours d'histoire. J'aimais bien des films historiques. Je lisais souvent des romans historiques. À l'époque, c'était quel cours d'histoire ? C'était quel film historique ? Parce que on est dans les années 40, 50. Ah oui, donc voilà, donc nous avons fait le régime gréco-latin. Et donc déjà des Bello Gallico, la guerre de Gaulle, Xénophon, tout ce qui s'est passé dans l'Antiquité classique. Et puis au niveau des romans, il y avait énormément de choses sur la période de Louis XIV, Louis XV, et tout ce qui concernait les Trois Mousquetaires et les autres, c'était autant de choses que j'aimais bien lire. Et je ne savais pas que j'allais devenir historien pour autant. Et voilà, lorsque je me suis retrouvé à Lovanium, étudiant en lettres, je dois préciser qu'à l'époque, il n'y a pas de département d'histoire, puisque considéré à l'époque comme une science dangereuse. Science dangereuse. Dangereuse. Parce qu'à l'époque, les Belges ne voulaient pas que les... Ah non, l'histoire est une section qui commence très tardivement. Alors, c'est ce qui fait que nous avions un professeur d'histoire provenant de l'université de Louvain, le chanoine Jadin, pour ne pas le nommer, qui nous faisait un cours sur l'histoire du royaume du Congo, spécialement l'histoire missionnaire. Et comme c'était déjà un vieillard qui avait des problèmes de vue, j'avais l'habitude d'aller l'aider à lire des textes anciens. Alors un jour, je lui ai dit, mais tiens, monsieur le chanoine, je voudrais faire l'histoire. Ah, il me répondra, ah, il suffit que vous fassiez bien vos études de romane, ça vous conduira en histoire. J'ai compris tout de suite qu'il voulait dire par là que je cherchais à aller à Louvain. En Belgique. C'est en Belgique, ce qui m'a d'ailleurs vexé, parce que ce n'était pas mon intention, c'était simplement l'ouvrir à un souhait que j'avais. Alors plus tard, quand j'ai terminé mes romans, effectivement, je l'ai pris au mot. Je suis allé en France avec une bourse française, cette fois-ci à la Sorbonne, pour faire des études d'histoire et d'histoire africaine. D'ailleurs, tous les premiers historiens que nous avons au Congo sont des historiens formés en France. Parce que, bien sûr, il n'y avait pas au début des études d'histoire pour Congolais au Congo. La Belgique ne voulait pas qu'on se penche sur notre passé ? Non, parce que l'histoire est une science carrefour qui permet beaucoup de choses. On y fait de la diplomatie, on y fait de la politique, on y fait de l'économie, et on va très vite dans des comparaisons, et ça peut être dangereux, effectivement. Donc, lorsqu'on a ouvert des sections des lettres, on a insisté beaucoup sur les langues, donc il y avait des sections de philologie romane, philologie classique, c'est-à-dire le latin et le grec, philologie germanique, pour les langues germaniques, mais pas pour l'histoire. Donc l'histoire a été mise dans la même catégorie que le droit, les sciences po, etc. Revenons un peu à votre père qui vous envoie dans un bon internat. Il était déjà évolué. Est-ce que le fait d'être évolué, entendez ce que les Belges catégorisaient comme plus civilisés que les autres, vous a aidé à intégrer le système éducatif, ou c'était votre volonté ou un souhait ferme de vos parents? Disons, déjà avec mon père, j'avais une certaine ouverture, parce que c'est peut-être pas le lieu d'insister là-dessus, mais mon père a été un grand séminariste à Maïdi. Il a été, entre autres, avec Pierre Kimbondo, etc., qui devient Monseigneur Kimbondo. Donc, c'était de cette génération-là, dans ce qui s'appelait à ce moment-là le vicariat apostolique du Kwango, vaste vicariat incluant allant du Bas-Congo jusqu'à la frontière avec le Kasaï. Donc, il était séminariste, après avoir fait son petit séminaire à Ouambali, il s'est retrouvé au grand séminaire. Donc, il n'a pas été jusqu'au bout, il a terminé juste à la philosophie. Donc, il avait déjà une très grande ouverture sur le plan intellectuel, bien que simple enseignant, n'est-ce pas, sur le plan de l'école primaire. Et ça vous a aidé? Absolument, parce que pendant longtemps, j'ai eu énormément à discuter avec lui et sur pas mal de choses. Et ça a été pour moi, je dirais, une bonne base comme ouverture sur les réalités du monde. Et aussi d'ailleurs sur les réalités de l'Église. Avant de passer à l'histoire grand H, oui, en tant que telle, juste terminer avec votre histoire. Unikine, Sorbonne, la suite de la vie académique et professionnelle du professeur Isidore Ndaiwel a été aussi d'enseignement ici au Congo et à l'étranger, on l'a cité au début, et de politique. Est-ce qu'histoire, politique font bon ménage? Est-ce qu'on peut être politique et historien? Puisque vous avez un rapport privilégié, vous l'avez dit, avec l'Église catholique, est-ce que l'histoire est comme la religion, attachée de manière inconditionnelle à la politique? Ben, je ne sais pas par quel bout il faut prendre la question, mais je commencerai par la formation. Quand je vais à la Sorbonne, je vais d'ailleurs au compte de l'université Lovanium. Mais quand je reviens, on a créé l'UNASA. Et donc, ma faculté se retrouve à Lubumbashi. D'où je vais commencer l'enseignement, mes enseignements, dans les cadres du campus de Lubumbashi, qui devient l'université de Lubumbashi. Et déjà dans ce contexte, puisqu'on est très peu africains spécialisés en histoire, je vais devoir aller avoir des missions d'enseignement d'abord à l'université Marien Ngouabi, à Brazzaville. Où je vais retrouver mon collègue et frère Théophile Obenga. Et puis après, oui, effectivement, j'ai effectué deux missions d'enseignement à l'Université Laval. Au Canada. Au Québec. Au Québec. Avant d'être invité par mon collègue Likia Mbokolo à Paris, à l'École des Hautes Études, où j'ai fait aussi quelques missions d'enseignement. Alors, sur le politique, sur la politique, je crois savoir que je ne suis pas je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un homme politique. Mais je m'intéresse, comme cela se doit, à l'histoire du présent. Car il faut rappeler que l'histoire a trois temporalités. Le passé, le présent et l'avenir. Et l'historien n'est pas un antiquaire, donc c'est un homme du présent et qui effectue certes des excursions dans le passé, mais pour revenir vite dans le présent. C'est pour chercher des matériaux pour conforter le présent et réfléchir sur les conséquences, donc l'avenir et la prospective. Donc voilà pourquoi je pense que j'étais éminemment présent sur les événements que j'ai vécu, que ce soit comme étudiant, comme enseignant, et même maintenant d'ailleurs comme politique, comme non comme observateur, comme acteur historique du temps présent. L'histoire, celui qui la néglige est appelé en termes d'erreur à répéter celle du passé. Tout à fait. Est-ce qu'un historien qui sait comment se passer s'est passé, qui a plus de connaissances sur les erreurs commises dans le passé, peut au présent laisser faire? Oui et non. D'abord, il faut corriger quelque chose, parce qu'il faut se méfier des adages. Les adages ne donnent qu'une partie de la vérité. On dit l'histoire peut se répéter. En réalité, l'histoire ne se répète jamais, d'une certaine façon. Parce que lorsque l'histoire donne l'impression de se répéter, au moins on sait d'avance à quoi ça aboutit. Donc c'est déjà un autre scénario. Alors que la première fois, quand les événements se passent, c'est de l'inédit. C'est de l'inédit. Comme il arrive qu'on dise tel père, tel fils. Mais il y a aussi un autre proverbe qui dit « L'enfant ressemble plus à ses amis qu'à ses parents. » Donc, il faut chaque fois nuancer les choses. Donc, disons que ce qui devrait être l'objet de l'exercice de tous les contemporains que nous sommes, c'est d'avoir... un certain apprentissage historique qui nous permet de naviguer entre les faits du passé qui peuvent nous servir de leçon, mais aussi voir dans le présent comment les adapter, les réarranger, quand bien même ça donnerait l'impression de se répéter. Vous avez dit faits du passé. Est-ce que l'on peut dire que l'histoire se résume à l'énumération des faits par les acteurs? Pourquoi je vous pose la question? Parce que cette émission Mémoire, c'est une émission qui donne la parole aux acteurs. Et certains pourraient penser que tout ce qui est dit est de l'histoire. l'histoire. Attention, la nuance en « et de l'histoire » et « l'histoire ». Est-ce que l'histoire se résume, vous êtes professeur d'histoire, à l'énumération des faits par les acteurs? Absolument pas, absolument pas. Il y a, j'en conviens, il y a histoire et histoire. Lorsque vous demandez à un acteur historique de pouvoir faire le récit, donner son témoignage, le récit de son vécu, nous sommes en fait en présence d'une source historique. C'est une source historique. Mais ce n'est pas encore le récit historique. Le récit historique est, par définition, le résultat d'une enquête. Parce que le récit initial donné par l'acteur, historique donné, doit être confronté à d'autres éléments, à d'autres récits, à d'autres situations. Parce que l'acteur historique, qu'il le veuille ou pas, est amené à réarranger, à arranger ce qu'il raconte d'abord. Il idéalise, il se donne un bon rôle, il écourte certaines choses, il y a aussi l'oubli, il y a aussi le fait qu'on peut mal voir les choses. Donc ce n'est pas encore cela, la vérité historique. Donc il y a une distinction entre le récit historique et le récit d'un acteur historique, un témoin sur un événement. Quand démarre la volonté de faire de récit l'histoire? La volonté, cette volonté démarre dès lors que l'historien doit faire son travail. Parce que l'historien est amené à confronter les différents éléments à sa portée, c'est ce que nous appelons les sources, c'est-à-dire les multiples empreintes disponibles sur l'évolution, pour pouvoir établir les faits. Mais je dois aussi préciser que toute histoire n'est pas récit. Lorsqu'on parle du récit, nous sommes dans l'événementiel. Mais il y a aussi le domaine du non-événementiel. Le pourquoi des choses. Le pourquoi, le questionnement sur le pourquoi, sur les conséquences, sur les retombées. Et ça ne se raconte pas sous forme de récit. C'est le résultat d'une analyse. Mmh. La datation, déjà aussi un élément. Retrouver le repérage dans le temps. S'agit-il de quoi? On est à quelle époque? Même si on ne doit pas dire avec précision, l'historien doit toujours, en histoire, déterminer ce que nous appelons les terminus. C'est-à-dire, c'est certainement avant de l'époque, c'est certainement après de l'époque. Au moins, la situation dans le temps, c'est très important. Est-ce que l'historien congolais est en mesure de faire tout ce que vous dites? Certainement oui, il est à mesure, c'est l'objet même de nos enseignements, c'est de former des générations d'historiens travaillant sur le pays, parce que toute société a besoin de ses propres historiens pour pouvoir restituer ce qui peut être édifiant, qui peut édifier le public concerné à aller de l'avant vers le meilleur pour lui. Voilà. Mais je dois dire aussi que, et c'est une précision importante, par exemple, l'histoire du Congo n'est pas la propriété privée des Congolais. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et c'est aussi à la portée de n'importe qui veut l'étudier. Mais les points de vue sont différents. Sont chaque fois différents. En fonction de celui en fonction de celui qui raconte l'histoire. Voilà. Et Tout à fait. Et de même que nous aussi, nous avons besoin d'étudier les connexions du Congo avec le reste. Par exemple, il y a les Chinois chez nous. Oui, mais depuis quand est-ce qu'il y a intervention des Chinois dans notre histoire? Ben, nous avons déjà au 19e siècle les Chinois qui viennent, qui construisent les chemins de fer. Nous avons des Chinois de la période maoïste. Nous avons les Chinois nationalistes qui ont planté du riz, etc., les rizières, Anjili. Et nous avons les Chinois aujourd'hui. Donc, voilà, nous avons besoin de ces multiples connexions. A fortiori, avec un pays comme la Belgique, où pratiquement, à part la période de Léopold Ier, la Belgique est indépendante depuis 1832, donc à part la petite période de Léopold Ier, tout le reste, c'est en connexion avec le Congo. Donc la Belgique, l'histoire de la Belgique est aussi liée à l'histoire du Congo. Pas? La grande partie de l'histoire de la Belgique est liée à celle du Congo. Même si aujourd'hui l'histoire du Congo est plus comptée par la Belgique que par le Congo. D'où ma question, est-ce que l'historien congolais a les moyens de d'écrire l'histoire de son pays? Oui, j'insiste sur le fait que Il faut une politique nationale, il faut une assistance. L'écriture congolaise de l'histoire du Congo existe, oui. A besoin, bien sûr, des sources se trouvant ailleurs. Mais il y a aussi des sources, énormément de sources qui sont sur place. Quand je parle de sources, il faut émanciper ce concept de l'écriture. Parce que très souvent, on dit « je n'ai pas de sources », c'est-à-dire que je n'ai pas des documents écrits. Mmh. Et en fait, source, c'est toute empreinte qu'une société laisse de son évolution, que ce soit dans l'oralité, dans le matériel, hein, une œuvre d'art est une source, hein. Déjà rien que l'architecture d'un village, c'est aussi une source, le positionnement, donc il y a énormément, donc en histoire on considère que les sources c'est infini, donc il faut être capable d'énumérer les sources dont on a besoin lorsqu'on aborde une thématique. Est-ce que ces sources existent encore? Vous avez dit, le récit est toujours à l'avantage de celui qui le tient. Ou souvent. Dans un monde d'oralité comme le nôtre, où les sources, où les faits de l'histoire se retrouvent souvent à l'étranger, oui. Comment est-ce que l'historien congolais peut écrire l'histoire du pays? Mais je réexplique. L'histoire procède par enquête, c'est-à-dire par confrontation des données diverses, parfois même contradictoires. Nous pouvons avoir un récit porté par un agent colonial sur un fait qui s'est passé, voilà, c'est Mokimbangu 1921, à Mbanzangungu, Tesville, mais je peux confronter ça avec des récits que je retrouve sur terrain de la population sur les mêmes événements. De 1921 à Mbanzangungu, aujourd'hui, 100 ans plus tard. Oui, parce que n'imaginez pas que dans l'oralité, tout se perd aussi facilement. Il y a des passages, des récits qui demeurent, qui se racontent de génération à génération. Je ne veux pas dire que ces récits sont nécessairement vrais, non, plus. Mais nous avons la manière de faire des recoupements avec ce qui se trouve dans les écrits. Et c'est généralement d'ailleurs ce que nous faisons. Nous avons plusieurs états de traditions orales qui ont même été collectées. Quand nous parlons mettons, du royaume du Congo. Il faut savoir que les missionnaires de l'époque, Kavatsi, Jean-François Desrobe, ce sont des gens qui ont récolté des récits à ce moment-là et qui sont consignés à l'écrit. Et donc, lorsque nous parlons des sources écrites de l'époque, en réalité, il s'agit des traditions orales récoltées à l'époque par ces missionnaires et qui ont été consignées à l'écrit. Donc, il y a des passages comme ça où on passe de l'oralité à l'écriture, de l'écriture à l'oralité. Tout a été colporté ou rassemblé ou recueilli par soit les missionnaires, en tout cas, en grande majorité, par des étrangers qui, vous l'avez dit tout à l'heure, pour qui l'histoire était une science très dangereuse. Est-ce qu'on peut partir du principe que cela a été bien colporté? Et est-ce qu'on peut, nous, Congolais, aller consulter ce qui a été colporté à l'époque et le confronter avec ce qui, vous le dites, rien ne se perd dans l'oralité? Oui, c'est une bonne préoccupation. Mais laissez-moi d'abord préciser que l'étranger n'était pas monolithique. Il y a des versions différentes qui peuvent être portées par les fonctionnaires coloniaux et les missionnaires. C'est pas toujours la même chose. Okay. Ça c'est déjà un premier élément. Le second élément, c'est que bien sûr, il y a énormément de falsifications, hein, dont certaines sont dénoncées directement par nous-mêmes. Et puis, il y a aussi la vision politique de l'époque. Lorsque on nous dit que il y a 450 ethnies au Congo, ce que nous reproduisons jusqu'aujourd'hui à 450 ethnies, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire que pendant la période coloniale, il était intéressant de montrer que ces gens sont tellement divisés, qu'il y a des guerres intestines et qu'on a fait l'effort de le regrouper. Oui. Mais en réalité, il n'y avait pas autant. Il n'y en avait pas autant. Et même lorsqu'on dit qu'il y a tel nombre de langues, mais on peut dire le Kikongo, le Monokutuba, n'est-ce pas? Uh-huh. C'est deux langues différentes et c'est consigné à l'écrit. Mais aujourd'hui, le locuteur du Kikongo vous dira non, c'est une seule langue. Donc vous voyez qu'il y a des erreurs qui interviennent parce que à l'époque, on ne comprend pas très bien certaines choses. Et puis à certains endroits, il y a des falsifications qui sont faites pour des raisons politiques. Et aujourd'hui, il faut arriver à les corriger. Justement, puisque vous parlez de cette ethnie, je veux juste peut-être qu'on fasse une pause. Je vais citer le docteur Miantudi Lamalonga, oui, que vous connaissez sûrement. Oui, très bien. Dans la province du Congo central, parle d'ethnicisation du Congo par la colonisation belge, pour les raisons que vous avez précitées. Au Congo central, le clan primait sur toute autre distinction entre les individus. Est-ce que aujourd'hui, le Congo est donc toujours autant lié, est-on toujours autant dépendant des créations étrangères qui, à l'époque, ne visaient qu'à le diviser? Hélas, oui. Hélas, oui. Et c'est justement le grand combat que nous essayons de mener et qui a du mal à passer. C'est que l'intelligentsia congolaise a bien intériorisé, tellement bien intériorisé les données que Modimbe appelle de la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire l'ensemble des écrits coloniaux, qui n'arrive pas à se départir. Par exemple, cette affaire de dire la catégorisation des Bantous, des Soudanais, des Nilotiques, etc. Voilà, c'est des inventions d'une certaine époque. Il faut savoir que nous-mêmes, nous ignorions que nous étions des Bantous. Donc, c'est au 19e siècle, il a fallu qu'un linguiste nous dise « Ah, voilà, je constate que vos langues se ressemblent, donc vous êtes des Bantous ». Et donc, aujourd'hui, nous nous réclamons d'une identité culturelle que nous avons poussée très loin. C'est comme si, en France, quelqu'un disait « Moi, je suis viking, vous, vous êtes slave ». Ce sont des catégories qu'on n'emploie plus, sauf sur le plan des études. Mais nous en avons fait des données de l'organisation au quotidien de notre vie. Et donc, nous imaginons aussi que les frontières ethniques étaient étanches, alors que c'était pas le cas. On passait aussi d'une ethnie à une autre. Il suffisait de parler la langue, de se marier là-bas, etc. Des catégorisations comme ils sont patrilinéaires et ils sont matrilinéaires, c'est aussi des choses considérées aujourd'hui comme des choses fixes, figées. C'était pas le cas. D'ailleurs, c'est tellement pas le cas que pour certaines de nos sociétés, on retrouve les deux. Hein, chez les Lunda, par exemple, lorsqu'il s'agit du politique, on emploie une filiation, et lorsqu'il s'agit de la vie courante, c'est une autre filiation. Donc, vous voyez autant d'éléments qui démontrent que nous avons photographié les données des encyclopédies du Congo belge et nous avons considéré que tout le passé était tout sous cette forme-là, telle que c'était décrit. Alors que ce n'est pas le cas. D'abord parce qu'il y a des faussetés là-dedans et ensuite parce qu'il y a eu des évolutions. Des évolutions qui se sont déroulées et qui ne sont pas forcément cela. Donc, je peux dire qu'il y a du travail à faire à ce niveau, non seulement au niveau des hommes des sciences, mais aussi au niveau du public qui a du mal à intérioriser les données récentes et qui demeure absolument dépendant des données anciennes. Des concepts comme amite, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais à un moment donné, on a cru qu'il y avait des Africains d'origine asiatique qui auraient une peau plus claire que le reste, que les autres, ce qui est tout à fait faux. D'abord, le mot amite, qui est d'origine égyptienne, qui d'ailleurs dans la Bible a donné le terme de Cam, Cham, ça signifie noir. Mmh. Amit devrait en principe signifier être noir. À peau noire, mmh, et non pas à peau claire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de confusion comme ça au niveau de l'ethnographie coloniale. Qui pourrait réécrire alors cette histoire? On est donc condamné à dépendre de ce qui vient de l'Occident, ce qui a été écrit par d'autres. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes historien, oui, vous dites que c'est possible, oui, pour les faits qui sont plus récents. Mais pour ces faits anciens, vous avez, vous, étudié, vous aimiez, vous nous avez dit lire Trois Mousquetaires, parler de la Gaule. Mais nous, de cette histoire, de notre histoire, nous n'en aurons jamais. Mais je pense que la première des choses, c'est il faudrait que notre public puisse apprivoiser les informations scientifiques récentes. Donc, on dirait qu'au niveau de nos connaissances, nous restons figés sur des données très anciennes. Je vous dirais, par exemple, les données récentes, mettons des études menées par des Africains, même chez Kanta Diop ou au Benga, ne passe pas tout à fait. Donc, nous restons sur des données anciennes. Tout ce qui relève, par exemple, de l'unité culturelle de l'Afrique noire, démontré plusieurs fois, n'est pas suffisamment intériorisé par les Africains eux-mêmes. Pourquoi ? Mais parce qu'ils restent trop dépendants des catégorisations d'origine coloniale. Donc, il y a une décolonisation intellectuelle qui est la décolonisation la plus sûre, mais qui est encore et toujours en cours, qui n'est pas terminée. C'est un processus. Ce processus être accéléré comment ? Bon, je voudrais d'abord dire que c'est lié à plusieurs facteurs. Les Africains continuent à avoir beaucoup de mal à avoir foi au discours africain. Donc, on est encore à l'histoire, comme disait Kizerbo, de l'anesthésie, où quelqu'un est sur le lit d'hôpital, on lui dit on va lui appliquer l'anesthésie locale, il crie non, mettez-moi plutôt l'anesthésie importée, je vais payer tout ce qu'il faut. Donc il y a une certaine méfiance sur ce qui provient du soi, des données locales. Et on imagine que la vraie scientificité est celle d'origine lointaine, d'origine externe. Et ça, c'est un reste de la période coloniale. Un reste de la... Pour ceux qui sont plus récents, aujourd'hui, récemment, le roi Baudouin était là, était ici au Congo. Oui. Il a parlé de regrets. Oui. Certains auraient voulu des excuses et des pardons. Il a souligné que lui et le président Tshisekedi, à l'époque, n'étaient pas nés. Oui. Comment expliquer que, alors que beaucoup ont étudié dans les universités à l'étranger, où on apprend justement cette décomplexisation, je ne sais pas si c'est le mot terme. Faire se comprendre. Oui. Mmh. Comment expliquer que ce complexe existe encore ? Comment l'expliquer ? Bon, commençons d'abord par constater que ça existe. Donc il faut en prendre conscience, il faut en prendre acte. Mais même dans ce que vous évoquez, sur un dossier comme celui-là, des regrets, des pardons, etc., bon, il y a un débat sur la sémantique. Un long débat sur la sémantique. Mais est-ce que vraiment, pour nous Africains, c'est important, cette sémantique, par rapport aux faits réels qui consisterait à voir qu'est-ce que la colonisation, de quelle façon on peut, je dirais, nous dédouaner de ce qui s'est passé de la colonisation. Donc on ne s'attache pas à cela, on s'attache à des questions de sémantique. Donc, dans notre façon de réfléchir sur notre propre donnée, nous devons apprendre à hiérarchiser les choses. Chaque fois, avoir la lucidité de déceler l'essentiel. L'essentiel pour nous. L'essentiel pour nous n'est pas forcément l'essentiel que l'autre nous propose. Et ça, c'est déjà... une lutte contre l'extraversion, c'est d'arriver à déterminer l'essentiel pour soi, pour nous. Et donc, si je mets dans le contexte global, je dirais que cet effort doit pouvoir s'étendre sur plusieurs choses. Effort politique principalement, de l'importance de connaître notre histoire, bah, comptée par nous-mêmes. Absolument, absolument. Et j'ai dit tout à l'heure que l'histoire, ce n'est pas que l'événementiel. C'est aussi le pourquoi et le comment. Bon, nous sommes à un événement, les reliques, les restes, la dépouille de Lumumba est arrivée. Mais pourquoi il est mort ? Pourquoi l'a-t-on tué ? Pourquoi il est mort au mois de janvier ? pourquoi il est parti à Lubumbashi? Pourquoi c'était là, chez la Tembo, finalement? Ce sont des questions de fond. Et ça, nous ne nous posons pas suffisamment. D'ailleurs, je me permets de dire que quand je vois la consommation congolaise de l'histoire, mais nous sommes interpellés presque toujours la veille des événements. Hein. C'est le 4 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. C'est le 17 mai. C'était quoi ce qui s'est passé? Le 30 juin, c'est ce qui s'est passé. Mais ça, c'est, on reste dans l'anecdotique, dans l'événementiel. Mais nous avons peu d'occasion d'approfondir entre nous les choses. La faute à qui? Bon, moi, je ne cherche pas les fautes. Il en faudrait... Alors, pas la faute, la responsabilité devrait en incomber à qui? La responsabilité, elle est réciproque. Elle est réciproque. C'est-à-dire que probablement que le public ne se rend pas suffisamment compte de l'importance de ces choses-là. Et probablement que nous qui nous en rendons compte, nous sommes aussi responsables parce que nous devons l'expliquer. Mais il faut qu'il y ait une jonction entre les deux pour que cela se fasse. Mmh. De l'importance de la connaissance de l'histoire, on en parle? En profondeur. Comment la faire mieux connaître? Les médias, une politique nationale. Comment mieux faire connaître cette histoire? Comment faire en sorte que chacun d'entre nous ait plus envie de savoir ce qui s'est passé hier? De savoir qui nous sommes. Bon, j'ai l'habitude de dire que l'histoire n'est pas la propriété privée des historiens. Et je maintiens cette affirmation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches. Il y a une littérature historique. N'est-ce pas? Bernard Dadier a écrit, par exemple, une pièce de théâtre, Béatrice du Congo, pour mettre sous forme théâtrale le drame de Kimpavita. C'est une œuvre littéraire où il n'a pas été obligé de suivre mot à mot les événements historiques, mais c'est une manière d'entrer dans l'histoire. Césaire a fait une saison au Congo pour le drame de Lumumba, et Lébé a écrit et a fait quelque chose sur Simon Kimbangu. Donc voilà déjà une voie. L'autre voie, c'est de la vulgarisation historique. Je pense qu'il y a quelques amis qui le font très bien ces derniers temps, comme les honorables Thomas Luaka, Didier Mumengi, etc. Donc voilà, mettre à la disposition de ça. Ben, il faudrait probablement que nous ayons aussi une catégorie de journalistes qui se spécialisent dans des questions historiques. C'est la faute à tout le monde, alors? Oui, nous avions naguère, vers les années 80, une émission Page d'Histoire. Et beaucoup de gens, des fois, nous interrogent là-dessus. Mais professeur, pourquoi vous ne faites plus Page d'Histoire? C'était avec... Thierry, qui est décédé depuis, où, une fois par semaine, il y avait une page d'histoire, un débat avec, il y avait des collègues, Léon de Saint-Moulin, Tshisungu, etc., des collègues malheureusement qui nous ont quittés, où Lumenga Nesso, voilà, où on expliquait. Et ça intéressait les gens. Donc les gens prenaient l'habitude, une fois par semaine. Il y avait un public. On avait fidélisé un public pour ça, qui savait qu'à tel jour, ah, j'ai la page d'histoire, je vais suivre. Donc, après, on est un peu embrouillé. Je vais vous demander un conseil. Vous nous proposerez qui aujourd'hui? Parce que nous, on a essayé. Oui. On essaie avec l'émission Mémoire, mais les acteurs... ceux qui savent sont peu à vouloir parler. Chantal Kanimbo, pour ne citer qu'elle, parce que c'est la dernière en date, et vous étiez celui qui a animé sa conférence de présentation du livre, a osé écrire. Tout à fait. Mais peu écrivent, peu veulent témoigner. Nous sommes plus de tradition orale qu'écrite. Oui, mais c'est-à-dire que cette émission, ce n'est pas forcément quelque chose qui est demandé aux gens de raconter leur histoire. Ça peut être aussi une information, un débat sur des faits d'histoire du Congo. Oui, mais qui pour débattre? Vous savez, toutes les paroles ne se valent pas. Non. Le professeur Ndaiwel, la parole du professeur Ndaiwel ne peut pas être comparée à la parole de Christian Lusakweno. Le professeur Ndaiwel connaît. qui pour débattre aujourd'hui? Est-ce que les Dadier, les Césaire, les Lébé, les Louaka, les Moumengi, les Lumenga Meso, vous les avez cités, existent encore? Est-ce qu'il y a encore un intérêt pour les choses de l'histoire? Non, je pense, Christian, que là, il faut faire un effort, parce que nous avons l'habitude toujours, évidemment, c'est tout à fait normal, de croire que ceux qui nous ont précédés étaient beaucoup mieux que nous-mêmes. Mais c'est pas évident. Vous avez dans votre équipe, vous-même, vous avez certaines informations pour lesquelles on peut avoir une discussion, comme nous l'avons là, nous sommes dans une discussion éminemment historique, où celui qui questionne n'a pas besoin d'être très informé. C'est justement ça l'intérêt. Oui, mais le problème, c'est... C'est pour que les gens suivent, il faudrait que... Amener le questionnement du grand public auprès des spécialistes pour pouvoir avoir des réponses. Et savoir qui sont ces spécialistes, c'était ma question. Eh bien, cherchez bien, vous verrez qu'il y en a. Vous avez parlé de médias et l'enseignement. Comment est-ce que vous expliquez, vous pouvez nous expliquer, vous, nous, tous, avons eu des ancêtres gaulois? Mais nous n'apprenons pas l'histoire du Congo à nos enfants, à l'école. Nous n'apprenons pas à nos enfants à être fiers d'être ce qu'ils ont et d'avoir eu les ancêtres qu'ils ont eus. Bon, là, par exemple, il faut faire déjà une mise au point. Dans l'ancien Congo belge, je prétends qu'on n'a jamais enseigné que nos ancêtres étaient les Gaulois. Ça, c'est dans l'Afrique, les anciennes colonies françaises. Donc, chez nous, c'était plutôt nos ancêtres étaient des païens, étaient des fils de Cam, etc. Ce sont des gens maudits. C'était plutôt ça. C'est ça, encore pire. C'est pire. C'est encore pire. C'est pire. Mais donc, c'est différent. Donc, sur notre enseignement, on doit faire des efforts. D'abord, nous demeurons dans un programme déjà très extraverti, hein, où depuis les premières années, on apprend beaucoup de choses sur l'Inde, la Chine et l'Europe, très peu sur le Congo. Et des manuels d'histoire ne sont pas toujours à jour. C'est très grave, il faut les adapter. Et à l'université aussi, dans la plupart des pays, vous avez beau être dans n'importe quelle section, la médecine, la polytechnique, l'agronomie, vous avez toujours un enseignement de base valable pour tout le monde sur l'histoire française, l'histoire des États-Unis, l'histoire de la Belgique. Parce que vous entrez dans la catégorie des élites du pays, vous devez être informé. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Et nous avons tellement insisté là-dessus. Il nous arrive fréquemment de rencontrer des intellectuels de haut vol, médecins, avocats, qui ne connaissent rien de l'histoire du pays, qui ne connaissent absolument rien. Et c'est inadmissible. c'est dans notre système. S'ils ont étudié dans le pays, ils auraient dû avoir dans les cours, dans les premières années du premier cycle, au moins dans les enseignements généraux, quelque chose sur le pays, sur la géographie du pays et sur l'histoire, mais aussi sur la géographie. Sur la géographie, je vois une étudiante qui me posait une fois la question, mais professeur, j'entends souvent parler de Maniema. Maniema, c'est où? Donc, il ne sait même pas que c'est une province du pays. Ou encore, on donne une carte muette à l'étudiant de premier graduat, on lui dit « Montrez où se trouve le Congo sur la carte d'Afrique. » Même ça, ils ne savent pas. Ah non, il y en a qui le placent à la Libye, en Libye, parce que c'est le centre aussi. Donc, vous voyez qu'il y a des choses aussi fondamentales. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'histoire. Il y a beaucoup de choses à faire. Professeur Isidore Daïwel, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au regard de tout ce qu'on a dit, même s'il y a beaucoup d'optimisme au début, dans votre chef, les Congolais sont capables d'écrire et de mettre en contexte leur histoire. Quel espoir avez-vous que cette histoire soit connue demain au regard de ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je me suis imposé comme devoir d'écrire l'histoire. Parce que je me suis dit, tôt ou tard, ça sera lu. Et c'est probablement ce que je peux conseiller à tous ceux qui le peuvent, c'est de mettre à l'écrit leur propre témoignage, leur récit, avec les imperfections peut-être qu'ils pensent lié à cette démarche, mais je crois qu'ils le fassent par écrit, comme vous l'avez dit, comme récemment, nous avons eu à vivre ensemble un événement de cette nature. Mais est-ce que tout le monde peut toujours tout écrire? C'était une question d'un débat avec, sur cette table avec Thierry Kambundi. Est-ce que tout le monde peut tout écrire tout le temps? Léon Kengo Wadondo nous a dit à Bruxelles en 98, alors qu'il avait encore quelques ambitions politiques, qu'il est difficile d'écrire ses mémoires alors qu'on a encore envie d'être à l'actif. Et il citait l'ancien Premier ministre Spital, ce qu'il lui avait dit avant. Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas tout écrire. Quand bien même on le souhaiterait, c'est impossible. Donc, on ne peut pas tout écrire, ça c'est un. Deuxièmement, ceux que nous appelons des acteurs historiques ne sont pas forcément des grands hommes. Mais c'est aussi nos mères de famille, des gens de la rue. On peut très bien écrire l'histoire de son père, de sa mère, de ses oncles qui vivent dans le village, parce que ce sont des acteurs de l'histoire aussi, à leur niveau. Et ça aussi, il faut le faire parce qu'il ne faut pas donner l'impression que l'histoire est élitiste et elle n'est produite que par des grands. En fait, l'histoire est produite par tout le monde et spécialement par le peuple. C'est ça qu'il faudrait retenir. Professeur Isidore Ndaïwé, je vous remercie. Je vous en prie. Merci et très bonne journée.